et n'avait consommé aucune nourriture tout ce temps. À la fin du mois, il prit, dit-on, une écorce d'arbre et la mâcha afin de purifier son haleine. Allah lui ordonna alors de jeûner 10 jours supplémentaires, ce qui fit 40 nuits. C'est pourquoi il est authentifié que le prophète a dit, alayhi salat wa salam, Wallazi nafsi biyadi, la khudufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi ta'ala min rihl al-misk. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 1894. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Après avoir pris la décision de partir au rendez-vous, il demanda à son bien-aimé, son auguste et vénérable frère Haroun, de le remplacer parmi son peuple, lui qui est son frère de père et de mère, et son second dans sa mission. Il lui laissa des recommandations et lui donna des ordres. Et cela n'est nullement en contradiction avec son rang dans la prophétie. Allah dit tabarak wa ta'ala, et lorsque Moussa vint à l'autre rendez-vous, au moment où il lui fut ordonné de venir et que son Seigneur lui eut parlé, derrière un voile, mais il lui fit entendre sa voix. Il l'appela de vive voix, s'adressa à lui en secret et le rapprocha, et c'est là un degré élevé, une citadelle imprenable, un statut sublime et un rang éminent. Qu'Allah se fasse ses éloges continuellement et le salue dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Après avoir acquis ce statut élevé et ce degré sublime, et après avoir entendu l'appel d'Allah, il demanda que le voile soit levé. Il dit alors au Tout-Puissant, celui que les regards ne peuvent saisir, celui dont les preuves sont claires, Ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il lui répondit, Tu ne me verras pas. Il lui montra ensuite qu'il ne pourrait pas supporter sa vision, car même la montagne ou le mont, qui est plus solide et plus résistant qu'un être humain, n'a pas pu résister lorsque le Tout Miséricordieux se montra à lui. C'est pourquoi il dit, Mais regarde le mont, si elle tient en sa place, alors tu me verras. Dans les livres anciens, on rapporte qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui dit, Ô Moussa, aucun être vivant ne peut me voir sans mourir, et aucune chose ne peut me voir sans qu'il ne s'écroule. Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu tabaraka wa ta'ala, anhu, rapporte que le prophète a dit, Qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi khamsi kalimat. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Allahu Akbar. Ce qui nous importe ici dans ce hadith est la parole du prophète Assalatu wassalam. Son voile est fait de lumière et dans une autre version de feu. S'il le levait, les lumières de son visage brûleraient tout ce qu'embrasserait son regard. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit concernant la parole d'Allah, Ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il lui demanda de le voir car il désirait ardemment cela lorsqu'il entendit sa parole. La question de Moussa et sa demande concernant la vision nous prouve que cela est permis en général, même si elle fut impossible lorsque Moussa la demanda. La réponse « Tu ne me verras point » nous montre qu'il ne le verra pas en ce moment-là dans lequel il formula cette requête, ou bien il ne le verra pas tant que la personne est vivante dans cette vie d'ici-bas. Quant au fait de le voir dans l'au-delà, cela a été établi et prouvé par des narrations rapportées de manière notoire, non ignorée, de tous ceux qui connaissent la sunna purifiée. La polémique et le débat sur des sujets périphériques n'est d'aucune utilité. La voie droite est claire et limpide. Mais celui qui a grandi sur une croyance qu'il a héritée de ses pères ou des gens de sa contrée, sans prêter attention à ce qui est demandé aux serviteurs tirés de cette législation purifiée, le poussera dans ce sectarisme et cet aveuglement. Et même si sa vue est saine, sa clairvoyance quant à elle sera aveuglée et ses oreilles seront imperméables à la vérité. Il repoussera la vérité tout en pensant repousser le faux et il croira que ce sur quoi il a grandi est la vérité. Cela par insouciance et ignorance de ce qu'Allah lui a imposé en termes de raisonnement sain, d'acquisition des points de la religion tirée du livre et de la sunna et de la soumission à ses règles. Fin de citation. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a expliqué la parole d'Allah, les regards ne peuvent le cerner. Il a dit, il s'agit de sa lumière. S'il se manifeste à quelque chose, rien ne lui résiste. C'est pourquoi Allah, Jalla Jalalu, a dit, mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se réveilla, il dit, gloire à toi je me repens, ou vers toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Mujahid a dit à propos de la parole d'Allah, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Le mont est plus solide et plus résistant que toi, mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il ne résista pas à ce qui arriva à la montagne, qui fut entièrement pulvérisée, et il en tomba foudroyé. Alayhi salam. Je reprends ici la parole de l'imam Ibn Kathir. Nous avons rappelé dans le tafsir, d'après ce qu'a rapporté Ahmed et l'imam Tirmidhi, et authentifié par Ibn Jarir, d'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah récita, mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Il dit, de cette manière, Suleyman, qui est Suleyman ibn Harb, un des transmetteurs de ce hadith, a dit ou a reproduit le geste de Hammad ibn Salama, de qui il a rapporté le hadith, en mettant le pouce sur le bout de son petit doigt. Et la montagne s'effondra. قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بالسند المتصل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فصاخ الجبل وخر موسى صعيقا. Lorsqu'il se réveilla, il dit gloire à toi. Par sanctification, glorification et d'exaltation montrant qu'aucune créature n'est en mesure de voir Allah dans sa toute puissance. À toi je me repens, c'est-à-dire que je ne demanderai plus à te voir et je suis le premier des croyants, c'est-à-dire le premier à croire qu'aucun être vivant ne te verra sans mourir et qu'aucune chose ne te verra sans être pulvérisé. Bien sûr, ceci est l'explication d'Ibn Kathir. D'autres savants ont expliqué le verset en disant, je suis le premier des croyants parmi les enfants d'Israël à reconnaître ta grandeur et ton omnipotence. Il y a eu d'autres explications de ce verset qui ne se contredisent pas les unes les autres. Abu Sa'id ibn al-Khudri rapporte dans le récit du Ansari qui gifla un juif pour avoir dit, par celui qui a élu Moussa parmi les hommes, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me préférez pas aux autres prophètes. Et il dit, ne me préférez pas à Moussa, car les gens seront foudroyés au jour de la résurrection. Je serai le premier pour qui la terre se fendra, et je trouverai Moussa tenant une des assises du trône. Ainsi, je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi, ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. Al-Hadith, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال أدعوه فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد عليه الصلاة والسلام فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. Voilà le hadith dans son entièreté. D'après Abi Sa'id ibn al-Khudri, alors que le prophète والسلام, était assis, un juif vint le voir et lui dit, oh Abu al-Qasim, un de tes compagnons m'a frappé au visage. Le prophète de répondre, qui est-ce? Et le juif de répondre, c'est un homme des Ansar. Le prophète a dit, amenez-le, convoquez-le. Puis le prophète s'adressa à cet Ansari en lui disant: L'as-tu frappé? Il a dit: Je l'ai entendu dans le marché jurer par celui qui a choisi Moussa sur l'ensemble des hommes. Puis j'ai dit: Ô Khabith, c'est-à-dire ô mauvaise personne, est-il meilleur que Mohammed, alayhi salat wa salam, ou Allah l'a-t-il préféré sur Mohammed? Alors une colère m'a prise et je l'ai frappé au visage. Le prophète, alayhi salat wa salam, m'a répondu: Ne faites pas la distinction entre les prophètes, car les gens seront foudroyés le jour du jugement, et je serai le premier pour qui la terre se fendra. C'est alors que je verrai Moussa tenant une des assises du trône. Je ne sais pas s'il s'est levé avant moi ou s'il a été préservé de ce foudroiement en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. Et cela est à comprendre dans le sens de la modestie et de l'humilité du prophète, alayhi salat wa salam, ainsi que de l'interdiction de préférer un prophète à un autre par colère ou sectarisme. Il y a une autre explication aussi en cela, comme l'a souligné Ibn Kathir, Allah tabaraka wa ta'ala, et que cela ne vous appartient pas, mais c'est Allah qui élève en degré les uns au-dessus des autres. Et cela ne peut être connu par la réflexion, mais uniquement par la révélation et les textes. Quant à ceux qui disent que le prophète, alayhi salat wa salam, avait dit cela avant d'apprendre qu'il était meilleur que les autres, cela est contestable. Car le hadith est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri et Abi Hurayra radiallahu anhuma, qui n'ont émigré que tardivement après la bataille de Hunayn. Donc il est peu probable qu'il ne l'ait su qu'après cela. Et Allah est plus savant. Et nul doute que le prophète, alayhi salat wa salam, est le meilleur des hommes et des créatures. Allah dit tabarak wa ta'ala: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Sourate numéro 3, le verset 110. Et ils n'ont atteint ce rang qu'en raison de l'honneur et du mérite de leur prophète. Et il est rapporté authentiquement de manière notoire que le prophète a dit, alayhi salat wa salam: Ana sayyidun nas yawm al-qiyamah. Je suis le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection. Comme rapporté dans l'imam par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, sous le numéro 4712. Puis il mentionna la position de gloire qui sera la sienne et que les premiers et les derniers convoiteront, mais qui échappera aux prophètes et messagers, même aux prophètes doués de résolution comme Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa ibn Maryam. Lorsque le prophète a dit, alayhi salat wa salam, je serai le premier à me lever et je trouverai Moussa au pied du trône. Ainsi, je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. Cela est une preuve du foudroiement qui saisira les créatures lors du rassemblement au jour de la résurrection, lorsque le Seigneur se manifestera à eux pour juger entre ses serviteurs et qu'ils tomberont foudroyés devant sa prestance, son immensité et sa majesté. Le premier à se relever sera Mohammed, alayhi salat wa salam, le sceau des prophètes et l'élu du Seigneur des cieux et de la terre, parmi l'ensemble des prophètes. Et il trouvera à ce moment-là Moussa au pied du trône. Et le véridique a dit: Je ne sais pas s'il s'est levé avant moi, car son foudroiement aura été plus léger, puisqu'il avait déjà subi un foudroiement sur terre, ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont, et ainsi qu'il n'ait pas été foudroyé du tout. C'est là un honneur immense accordé à Moussa, alayhi salat wa salam, mais cela ne signifie pas qu'il soit totalement meilleur que Mohammed, alayhi salat wa salam. C'est pourquoi le prophète, alayhi salat wa salam, indiqua l'honneur et le rang qui est le sien de cette manière. Ceci, car lorsque le musulman gifla le juif, lorsqu'il lui dit par celui qui a élu Moussa parmi les hommes, cela a pu faire ressentir aux gens présents qu'on lésait Moussa. Et c'est pourquoi le prophète rappela son rang et son honneur. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Ô Moussa, je t'ai choisi parmi les hommes pour recevoir mes messages et entendre ma parole. C'est-à-dire à cette époque, pas avant, car Ibrahim est meilleur que lui, comme nous l'avons rappelé dans son récit, et pas après non plus, car Mohammed alayhi salat wa salam est meilleur que eux deux, comme cela est apparu lors du voyage nocturne ou à travers la parole du prophète alayhi salat wa salam. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. Hadith rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 820. Je dirai: Ô Seigneur, pardonne à ma communauté. Ô Seigneur, pardonne à ma communauté. J'ai réservé la troisième, c'est-à-dire la troisième requête ou la troisième invocation ou la troisième demande pour un jour où j'occuperai un rang que convoiteront toutes les créatures, même Ibrahim. Ce hadith nous prouve de manière claire que le prophète Mohammed a un rang plus élevé que celui d'Ibrahim et celui de Moussa et celui de tous les prophètes. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, dit: Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Autrement dit, prends du message et des paroles que je te donne sans en demander plus et sois reconnaissant pour cela. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Il a été dit, et je mets bien ici en valeur la forme conditionnelle, que ces tablettes étaient faites de pierres précieuses. Et on rapporte qu'Allah écrivit la Torah de sa propre main, comme rapporté dans le hadith du prophète a.s.w. dans le Sunan d'Abi Daoud sur le numéro 4701. Dans cette Torah, on y trouve des exhortations contre les péchés et le détail de tout ce dont les enfants d'Israël avaient besoin en matière de licite et d'illicite. Allah dit à Moussa, veille à les appliquer strictement avec une volonté et une intention ferme et sincère et ordonne à ton peuple d'en appliquer les prescriptions les meilleures, c'est-à-dire de les appliquer de la meilleure façon. Bientôt, je vous ferai voir la demeure réservée aux pervers, c'est-à-dire aux désobéissants. C'est-à-dire que vous verrez la fin réservée à ceux qui s'écartent de mon obéissance, s'opposent à mon ordre et renient mes messagers. J'écarterai de mes signes, c'est-à-dire de leur compréhension, de leur méditation, de la conception des significations voulues et ce qu'elles impliquent, qui, ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Quoi qu'ils puissent voir comme prodiges et miracles, ils ne les suivent pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne l'empruntent pas. Et s'ils voient le sentier de l'égarement, ils l'empruntent. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Nous les en avons détournés en raison de leur rejet de nos signes, leur insouciance, leur refus de les accepter, d'en méditer leur signification et le délaissement de la mise en pratique de ce qu'ils impliquent. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Allahu musta'an. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته